les jeux du hasard offrent aux mains une part du pactole qui rend chacun rien qu'une œuvre hors du commun. Mais rien ne sert de croire pour s'affranchir adolescent aux formules qui font pleuvoir que l'ouette devienne torrent. Le bonheur épargne depuis des lustres celui qui préfère l'enfer au salut. La solitude ne rend jamais illustre celui qui refuse toutes les mains tendues. Les aiguilles du cadran se souviennent de ces instants où, bloquées par une feinte, elles ont vécu des joies, des feintes. Rien ne sert de regretter un manque même présumé de courage ou de témérité. Si on s'avoue la vérité, le bonheur épargne de faire l'enfer au salut. La solitude ne rend jamais illustre celui qui refuse toutes les mains tendues. Les amis que l'on quitte ne croient pas que ces vertus valent la peine d'être discourues. Si on ne connaît que la fuite, mais rien ne sert de mentir pour écrire sa propre géographie quand on ne sait même pas rire de soi et de ses pitreries. Le bonheur épargne depuis les lustres celui qui préfère l'enfer au salut. La solitude ne rend jamais illustre celui qui refuse toutes les mains tendues.